je pense à ça, pas maintenant. Pourquoi je pense à ça, à contre-temps. Pourquoi je pense à ça, c'est étrange. Pourquoi, pour qui, pour ça.